enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défait. Comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres coins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. A tellement de regrets. Tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. De l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets, on s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Cette vie, celle d'après, sera mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits. À tous les plafonds de tous les palais. À tous les murs que je trouverai. Juste en dessous, j'écrirai. Que seule la lumière pourrait. À tous les plafonds de tous les palais. Et mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.